C'est pas encore l'heure de Langue Rebelle. Je reprends. Il est donc 17h03 et c'est l'heure de Langue Rebelle. Langue Rebelle. Langue Rebelle. Vecchia, langue rebelle. Langue rebelle. Langue rebelle. Sur radio. Dio. Dio. Dio. Sur radio Dio. Radio Dio. Bon, Vecchia, que la première d'émission est nous cito et dans notre langue. C'est l'occasion d'ouvrir une bière en direct pour fêter ça. Voilà. Tu veux un petit verre? Vas-y, pas utile. Ben moi, je veux bien aussi. Cette émission sera tous les quatrièmes mercredis du mois et aujourd'hui c'est la première. Et toujours à quel tour, entre 5 cours et 6 jours d'Auxerre. On va peut-être présenter l'émission. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Donc, c'est une émission qui est en Occita et dans d'autres langues. Et elle a même un peu l'idée d'un rescontre d'autres langues et de voir ce qui se passe entre quand les langues se rescontrent et ce qu'il y a entre mille et langues. Chanda. Tchin, tchin. Santé. Santé. À toutes et tous. Et du coup, pourquoi l'occitan à Saint-Étienne? Et peur qu'il passe. Oui, c'est vrai, pourquoi pas? Donc, souvent, ce qu'il demande le monde. Et au final, le monde ne se rend pas compte que c'est à la porte de l'espace Occita. Qui est un espace qui va entre Nice et Bordeaux, d'est en ouest, et de sud au nord, de Carcassonne à Mulhouse. Et finalement, le premier village occitan est à ras des sentiers, à 4 ou 5 km, est plein foie. Et Vetia, donc, c'est une endroit qui affronte des mondes qui sont venus d'Occitane, des Velailles, d'Ardèche. Et la population des Sentièves est pasta d'Occitan entre mais les autres langues et cultures et les autres peuples. Parce qu'officiellement, là, on est dans l'espace arpitan, c'est ça, normalement. Donc, qu'est-ce que c'est l'arpitan? Est-ce que tu peux répéter le mot Saint-Étienne? Ah ouais, Sentièves. Ah merci, c'était pour être sûr. Sentièves. L'arpitan, il a c'est une langue qui a un autre nom, non? C'est ça? Ça s'appelle aussi le franco-provençal. Ouais, qui est une langue qui se parle sur un espace qui va des sentiers, enfin, de forêts, jusqu'en Val d'Oute en Italie et en Suisse, canton de Vaud et de Valais Suisse. Et le forêt est justement l'endroit où se rencontrent quelle doit culture et le doit langue. Ce qui fait qu'il y a souvent des éléments intéressants qui se passent à l'endroit où la doit culture sont en rencontre, en métissage un peu. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'arpitan d'ici, il est proche, il est mêlé d'occitan. Et de la même manière, l'occitan, le nord-occitan d'ici, il est imprégné d'arpitan. Exactement, ouais. Il n'y a pas de frontières clairement définies sur ces langues. Et ouais, moi, avec les langues, il n'y a pas de frontières. Et c'est même intéressant de parler des pundéreskundres que des frontières, que des bouines. C'est beau le mot « reskundre ». Et du coup, l'histoire de la reskundre que nous avions en veille de créer l'oumou oussipitan, le métissage, le mariage partout entre l'oussipitan et l'arpitan, et que c'est un peu ce qui est un peu à notre origine d'aquelle émission de radio et que l'origine maille d'une chorale révolutionnaire. Alors c'est quoi l'origine de cette émission? Pour une partie d'entre nous, je dirais qu'on s'est rencontrés sur une marche militante qui a eu lieu l'an dernier, au mois de juin. Juin-juillet 2017, ouais. Une marche favorable à une Saminou. À la création du GR45, le fameux GR45. Qui devait remplacer ce projet d'autoroute à 45. Le projet d'autoroute moins fameux. Ouais. Qui vous remplace déjà. Qui remplace déjà, tout à fait. Voilà, le GR45 existe, lui. Et du coup, il y a eu des rencontres pendant ce GR. Et l'envie d'être Santa. Ouais, c'est vrai que notre rencontre, elle s'est faite dans l'envie de chanter. Marza et Santa, qu'on marche bien ensemble. Hein. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, a été écrite en collectif une chanson qui est une adaptation d'une chanson traditionnelle que tu connais bien, toi ? Ouais, c'est une chanson traditionnelle nord-occitane qui me tient bien à cœur, du coup, et qu'on a voulu adapter et lui donner un caractère un peu rebelle. Dites-nous son nom original au-delà de Sansou. Eh bien, c'est Zanzanet Senvan à la Feira Monfuku. Mais comme il n'y a pas plus des feires à Monfuku... Attends, ça veut dire quoi, faire à Monfuku? La feire, la foire à Monfuku. Ah, la foire de Monfuku. Et la feire de Monfuku n'existe pas mal, n'existe plus. Et donc, on s'en a d'objectifs, d'itinéraires et des projections. Du coup, elle s'en va ailleurs. Et ben, maintenant, Zan et Zanet ne vont plus à la feire de Monfuku, ils vont à la ZAD des Beaux-Insous. Mais là, une ZAD, pour une dire ce qu'il est. La ZAD, c'est la zone à défendre arpitane. C'est donc la chorale occitane de Saint-Étienne qui nous interprète Zanzaneto. Zanzaneto sen van a la ZADO. Zanzaneto sen van a la ZADO. À la ZAD des beaux en dessous, Zanzaneto. À la ZAD des beaux en dessous, Zanzanet et Zanetou. Zanzanet se vend à la ZADO. Zanzanet se vend à la ZADO. À la ZAD des beaux en dessous. À la ZAD des beaux en dessous. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. La Zanet charge sa sabata. La Zanet charge sa sabata. Zandou farjou sa minou. Zandou farjou sa minou. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. Zanzanet et Zanetou, à la ZAD des beaux-Anjous. Zanzanet et Zanetou, à zate boson su. Zanetta pronto la maleto. Zanetta pronto la maleto. E zandun kubulu. E zandun kubulu. Zanzanette zanetu alla zate boson su. Zanzanette zanetu alla zate boson su. Zanzanette zanetu alla zate boson su. Zanzanette zanetu alla zate boson su. Zanetta rapa o pensa. Zanetta rapa o pensa. E lu zandu pta fintu. E lu zandu pta fintu. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. La zan ette clape la clé d'eau. La zan ette clape la clé d'eau. Zan du qui un sabanou. Zan du qui un sabanou. Zan zan ette zan etu a la zate bozan su. Zan zan ette zan etu a la zate bozan su. Zan zan ette zan etu a la zate bozan su. Zan zan ette zan etu a la zate bozan su. Zan ette forbandus la milicio. Zan ette forbandus la milicio. Zan zakun zalinu. Zan zakun zalinu. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Zan zan ette zan etu a la zan de bozan su. Bon, bah merci à la chorale. Oh, grand merci. Oui, bravo. Et donc, cette chanson, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'elle mélange des mots de plein d'occitans différents, parce qu'elle a été écrite avec des personnes différentes qui venaient d'endroits différents, et qu'on a voulu que ça représente les mots et les imaginaires de toutes ces personnes différentes. D'occitans et d'arpitans, du coup. Que... Et de plusieurs occitans aussi. Du coup, on pourrait peut-être se présenter rapidement, au moins... Oh non. Non, si, non, je ne plaisante pas. Ok, bon, non alors, on ne présente pas. Enfin, se présenter à travers nos langues, surtout. Oui, ça c'est mieux. Bah, c'était ça que, que j'entendais. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Eh bien, c'est parti. Donc, moi, je viens du sud-ouest, je viens du Gers, précisément, où on parle gascon. Donc, moi, ça a été ma rencontre avec l'occitan. Mon grand-père parlait gascon avec ses enfants. Donc, je le comprends bien, même si je le parle peu. Et quand je suis arrivée dans la région de Saint-Étienne, ben, je me suis aperçue qu'il y avait aussi de l'occitan ici et que je le comprenais, alors qu'il est plutôt différent. Et ça m'a permis de trouver un lien que j'aurais pas imaginé à travers la langue, un lien culturel qui a été assez fort en fait, et qui m'a permis de faire plein de belles rencontres. Yo a grandi à Vevargi, à Rive-de-Gier, pas trop loin d'Ati, et suis a espéli une belle linguistique totale en français, et avait l'impression qu'il n'existait pas d'autre langue au monde que le français, tel le même. Léva, si y a eu quelques mots des francitans, des mecs d'occitans et des françaises d'Opaire, qui est venu des Rouergues, et paye des francipitans de la Maire, qui est un peu d'origine de la langue arpitane, et paye quand tu en as au collège, et au collège, c'était au Grand Pont, qui est une banlieue des Vargy, et il y avait des mounes d'un peu toutes les origines autour des Méditerranées, et souvent, les personnes avaient d'autres langues, Michael ou Frances. Et mes scientifiques un peu comme à quelle personne, les vaques et yo, ça vient pas par là, les autres langues. Et ça allait faire des tsamis et des tsamis avant de trouver moyen des tona far connaissance en la langue d'origine, l'occitan par exemple. Ok, moi j'ai été baignée quand même dans ce qu'on appelait le patois par mes grands-parents, mais c'était plutôt pour moi des expressions un peu mystérieuses que je comprenais pas, mais qui ont un petit peu bercé mon enfance. Et en fait, je me suis rendu compte bien plus tard qu'il y avait plein de mots que j'utilisais et que ma famille utilisait, qui étaient en fait des mots occitans. J'ai longtemps cru que c'était du français, mais en fait, c'était du nord-occitan. Et donc, le patois de mes grands-parents était du nord-occitan aussi. Voilà. Eh bien, pour ma part, j'ai des parents qui parlent algérien, mais d'une part, un algérien du côté d'Oran, donc qui est teinté de quelques mots espagnols, d'autre part, un peu de kabyle, et puis, bon, l'algérien qui, globalement, est une langue en perpétuelle refonte, puisqu'il y a des mots français qui peuvent très bien se conjuguer avec, avec la langue arabe. C'est parfois très, très sympathique et poétique. Et aussi, je me sens influencée par des mots de la rue, des mots du quartier, comme on peut dire, pour moi, qui constituent aussi une partie de ce qui fait vivre la langue française, qui risque de mourir si on n'est pas là pour la secouer un peu. Voilà. Ok, ça m'évoque de revenir sur le nom de l'émission qui s'appelle Langue Rebelle et du coup de peut-être s'attarder sur une anecdote qui nous évoque en tout cas, enfin autour de ce que nous évoque ce nom d'émission Langue Rebelle. Eh ben, moi je dirais pour moi, ce qui m'a plu dans cette idée d'émission, c'est de se fabriquer nos propres outils avec la langue qui peut être vraiment un vecteur d'émancipation et d'autonomie. Et si on ne se laisse pas simplement porter par ce qu'on nous dicte à propos de la langue, on peut vraiment en faire quelque chose de fort. Et voilà. Je dirais que dans Zanet, il y a déjà l'idée d'arrestat des subis. D'arrestat des subis l'autoroute, mais d'arrestat des subis tout ce qui nous tombe dessus. Et yo, ce qu'il y avait de par là, un autre peuple qui a une langue rebelle forte, de Peluntin, sur l'ouz basque, et une phrase que vous essayez de dire en basque, « Suek fascistak, s'arrêter terroristak ». Ce qui est bien, c'est que l'ouz basque pouvait un brama à coup devant la force de l'ordre et comprenons pas directement que sont attaqués frontalement et pour des mouras comme coup en face, et Zako qui est intéressé d'avoir une langue qui ne se comprend pas directement et la culture pourrait faire passer d'idées sous-jacentes comme vous voulez. Est-ce que tu pourrais juste répéter cette phrase et peut-être la dire en français ou... parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Non. La phrase en basque. Ouais, juste la répéter en basque. Ah. Suaek fascistak s'arrêter terroristak. Ok, c'est bon. Compris. Et alors moi, ça me rappelle une autre anecdote, ça, de pouvoir dire des phrases en basque comme ça à la radio, ou de pouvoir les chanter en occitan, en monument aux morts, par exemple. Ce qu'on a fait pour le 11 novembre dernier, on est allé chanter, et on chantait des chansons révolutionnaires. Et y avait tout l'apparat des militaires et de la police qui était à côté de nous et qui nous regardait avec des grands sourires parce que ça avait l'air tellement sympa ce qu'on chantait. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fait rire où on se sent un peu fort et un peu malin, je sais pas comment le dire autrement, mais de pouvoir dire des choses sans qu'on puisse nous le reprocher directement et de réussir à passer par la musicalité de la langue et par la musique, faire passer des messages sans qu'on ne les arrête, c'est quand même un truc qui fonctionne bien, qui est un peu magique. Des fights, c'est un créa notre canal. C'est un canal qui n'existe pas, qui n'existe pas d'emblée. Le système ne le préveille pas et le farzait, le crée. Donc, il y a des passages qui se font, qui ne seraient pas possibles sans accord. Ouais. C'est vrai. Moi, pour ma part, langue rebelle, language. Ça me j'avais envie de le dire en plusieurs langues. Ça me parle dans le sens où j'ai très envie de lutter contre l'équipe qui est censée comment dire gérer notre langue en France, c'est-à-dire l'académie, qui est quand même faite de tout sauf de linguistes, de tout sauf de personnes aussi amoureuses de la langue française que moi. Donc, voilà, j'irai pas prendre leur place, mais j'aimerais bien que ça change. Et puis aussi, d'ailleurs, en parlant de changement, j'aimerais bien que sur certaines lignes de RER et compagnie, au lieu d'entendre telle station en anglais, en espagnol, parce qu'il y a des touristes, hein, et ben, bah, qu'on le dise en arabe, qu'on le dise en kabyle, qu'on le dise en togolais, qu'on le dise en congolais, en occitan. Alors à Toulouse, c'est le cas. Vous savez qu'à Toulouse, dans le métro, les annonces sont faites aussi en occitan. Et c'est vrai, et c'est très beau comme elle le prononce. Mais ce serait bien qu'ailleurs, ce soit pareil. Voilà, ça c'est dit. Coup de gueule. Peut-être que sur ces belles paroles, on peut s'écouter un petit morceau de musique. Tout à fait. Eh bien, on le lance et puis on en reparle après. 2007, Mauresque Franca Dub, un studio à Galargue, à Marseille, à Seta. Raval de clichés. Le stéréotype, ils l'ont usé jusqu'à la corde. C'en est fini, nous on sort avec la horde. Le banc méridional est enfin prêt à mordre. Occitan Warriors, et d'un coup ça fait des ordres. Ils aiment le soleil, aïoli, yes, papa. Quand ça sent bon le pastis, la soirée fracas. Mais faut aussi savoir enclencher le débat. Parler décentralisme au cross d'opéra. Ma ville est capitale depuis que je le sais. Depuis que je chante ces gens et ces quartiers. Et pourtant ça sent bien la province à pleine. Et les élites vivent Paris, à Montpellier. C'est pareil de partout, en ville loin de chez soi. Devant ta porte juste là en bas. Rebranche tes platines, prends un pastaga. Lis les troubadours, sors-les tous de chez toi. La diversité commence dans ta famille. Écoute les langues qui chez toi fourmillent. Et c'est ton Occident, ça marche avec les filles. Rap de parois du langue d'or qui vacille. Sur les grosses caisses et ici dans tes boomers. C'est l'art de la rime, le prix de mes sueurs. Devant la feuille blanche sur huit ravageurs. 24 vers la musique de mon cœur. Quatre rimes juste pour le débat. En finir avec la province, le putain d'État. Il centralise tout et ne fait jamais cas de ce qui se passe autour, en haut et en bas. Autour de partout des capitales s'érigent. Faut que tu l'encapes, que tu le piges. Ça parle occitan, alors certains se figent. Ça parle avec l'accent, d'autres te corrigent. Mon vie, on les emmerde, c'est hallucinant. Ils se croient tolérants et montrent déjà les dents. Quand ça sonne bizarre, c'est dérangeant. C'est pagnolesque, non, c'est plus excitant. Fils des troubadours, on fait danser la jeunesse. On invente, on jongle, on joue et progresse. Quand les tristes viennent dicter la messe, on plante le white pour dérider les fesses. Loin du trou parisien, des cercles du pouvoir. On roule sur la réserve et on sort du couloir. On grille leur feu rouge et on passe au hasard. Les virages à la corde avant sur le potard. Fuck les jacobins, fuck les communautaristes. Vive la commune libre et tous ceux qui résistent. Expérience locale et antinationaliste. C'est le sens de ce son, même la multipiste. Mi chante limonada nanta ya detesta. Escutas la paraulo dans lo serio de seta. Reflexion madurada mi mauresque pidget. Sul nostre cami a cospa tout jou la festa. Ça sent le roussi pour la culture de chez nous. La langue disparaît et tout le monde s'en fout. Le CNC nous fout des bâtons dans les roues. Les médias nous zappent, y'a de quoi devenir fou. Le tien c'est le tien mais le mien n'est pas crédible. Quel que soit ton accent dans ce pays t'es qu'une cible. Noyé sous les clichés à la télé on est risible. Les phrases ils sont bloquées et ça nous est nuisible. Le centralisme acharné, les esprits ça les pollue. N'oublie pas que province veut dire territoire vaincu. On n'est pas des losers, on n'a pas encore perdu. Leur jacobinisme, on va leur foutre dans le cul. J'emmerde ceux de chez nous qui ont pris l'accent pointu. Pour faire sérieux, disent-ils, c'est qu'on se sent vendus. J'emmerde les néo-ruraux qui croient avoir vu. Et qui prennent de haut la population du cru. J'emmerde les politiciens de droite et de gauche. Qui croient que faire occitan, c'est faire un baloche. En costume traditionnel, et voilà, on c'est pas stoche. Parce que ça ligue aux saucisses et grosses brioches. J'emmerde les mots fatales, tous ces petits nazis. J'emmerde les mots fatins, tous ces petits nazis en minorité merdeuse, identitaire incarnant. Caché sous des drapeaux trop utilisés à foison, nos lyriques sont plus efficaces que beaucoup de battants. J'emmerde dans toutes les luttes le super militant, prétendant un pernichant avec le dernier des mohicans. On se dit ouvert, mais on s'enterre dans un carcan. Communautarisme inconscient, il faut rester méfiant. Depuis quelques années, en sous-marin, on opère. On est nombreux dans ce qu'avaient nos sœurs et nos frères qui, de Clermont à Marseille et de Toulouse en Lozère, travaillaient chaque jour pour faire avancer la galère. Ni mais ni mal, nous n'aimons plus d'un papu. Ou c'est un warrior et la lutte continue. Tu veux du hardcore, tu vas pas être déçu. Car ni trop du Lévesou, les toyaux tu rues, tu tues. Mon galant joue avec cabrette, per me fa tu, per me fa la luli la lulero, per me fa danza, per me fa la luli la lulero, per me fa danza. Il est vraiment génial ce petit vieux à la fin. C'était Maoriska Fracadub avec le titre Stéréotype. Vetia, le MFD qui est nouvelle, nom des Montpellier. Et est une groupe de musique qui compte ça aussi des farloupous entre la chanson traditionnelle. Sont des mounes qui sont un collecta d'anciens, des dours et dours et des centaines d'ours. Et qui ont essayé de faire passer tout ce que ce soit imprégné de la culture traditionnelle occitane digne la musique actuelle. Et font à quel point entre l'héritage qui nous vient de vos anciens et de les anciennes et le futur, et ce qu'ils voulaient me faire passer. Et du coup, cette chanson, elle peut nous permettre de faire un clin d'œil à l'actualité et montrer notre soutien aux étudiants et étudiantes de Montpellier. Et bien sûr, condamner toute forme d'expression, d'une pensée identitaire, d'extrême droite, parce que... Mais c'est, en plus, c'est souvent un truc que j'ai entendu, moi, à propos de l'Occitan, où les gens disaient, mais il y a un truc identitaire, vous essayez de vous refermer sur vous-même, c'est communautariste, gna gna gna. Enfin, alors que moi, tout ce que je vois dans les langues locales comme ça, c'est toujours dans des volontés d'ouverture et d'échange. Et de partage de savoir. Et ouais, de... tout à fait. Je vois qu'on a préparé l'émission, qu'on préparait le jingle et que nous-mêmes, on a testé de dire des 1, 2, 3 ou de dire des petites phrases dans plein de langues différentes. Enfin, ça donne ces envies-là, je trouve, de multiplier les langues et pas d'en garder une et de faire disparaître les autres. Ouais, et souvent, quand c'est connu et sympa, que c'est perdu quand d'autres personnes viennent d'autre part, d'autres Andrei qui arrivent et c'est me. C'est tellement sans attache qu'ils ne sont pas capables de nous accueillir. Alors que quand nous connaissons et connaissons les autres peuples qui sont à l'entour de nous, nous sommes prêts à accueillir d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et d'apprendre, d'étendre leur culture et leur langue et la posture qui est intéressante. Ouais, il me semble que c'est quelque chose dont on a parlé tout début quand on a voulu faire cette émission, comme tu dis. C'était vraiment d'essayer de permettre la rencontre entre différentes langues, mais à aucun moment ça a été une revendication d'une identité occitane, pour utiliser les gros mots. En fait, on ne s'est jamais posé ces questions-là, mais vraiment la rencontre de différentes langues et du coup... On n'avait plus atterri d'ailleurs sur l'idée d'une émission autour de langues non coloniales que de langues occitanes spécifiquement. Mmh. Ouais, qu'est-ce une posture qui va à l'encontre de la posture unitariste française qui élimine tout ce qui est de France et tout ce qui vient d'autre part. L'idée de s'intégrer en France est souvent une désintégration. Les personnes devront perdre tout ce qu'avions d'avant pour s'intégrer. Et à l'encontre d'Aco, et de se dire qu'à fin finale, avec une identité qui peut être multiple, et d'identité au plural. Et c'est bâtisser toute la sculpture que nous venons de nos origines et de nos futurs, tout ce que vous voulez me prenez par avant ça, et qu'une identité n'est pas avant ça une autre, et mai n'avait, mai c'est un riche. Ça, c'est difficile à avaler en France. Hein. Clairement, cet hiver. qui s'appelle très bien. Ouais, après, si France vole pas Créva, ça sera bien obligé d'apprendre à manger. Sur ces belles paroles, on peut peut-être écouter un texte de Marty. Pas toi. Mot français. Portant lui-même la sonorité du mépris, articulé en deux syllabes. Pas toi. Sa courte musique évoque la lourdeur, la démarche pathode d'un langage de peu, tout juste suffisant pour exprimer les besoins élémentaires du cerf, du tâcheron, du manant. Pas toi. Ce mot de cours fleure bon le dédain en jabot et dentelle, se pavanant dans des jardins à la nôtre. Nous-mêmes avions peu à peu adopté ce vocable, par encloscage, par amnésie, par usure, convaincus en définitive qu'il n'en existait pas d'autre, de plus précis, de plus légitime, de plus apte à rendre compte de cette petite musique qui perdurait malgré tout au fond de nous-mêmes. Celle de la Languedoc. Languedoc. Éduquer, c'est y éduquer. Plus on a de langue, plus on est riche. C'est au titre de cette double maxime affichée au mur de la salle à manger que la Languedoc avait sa place pleine et entière chez nous. Elle y côtoyait sans aucun problème les autres langues sonnant dans la maison. Le castillan, cousumène de mes grands-parents, le catalan des poésies et des sardanes, le français couleur midi qui avait cours dans notre rue, et le français pointu qui sortait du poste radiola posé sur le buffet de la cuisine. J'avais droit à tout. Jouer de plusieurs langues, comme on joue de plusieurs instruments, m'enchantait. Chacune avait sa tessiture, sa rythmique, sa musique. Et se changer de langue, c'était beau comme se changer d'habit pour aller voir le monde. Et le monde d'ici avait ses mots à lui pour dire la courbure de l'horizon, la hauteur du soleil, la force du vent, les travaux des hommes et les paysages de l'âme. Les itinéraires de mon enfance, ceux qui sont en pente douce et qui mènent à devenir grand, je les entends encore avec ces mots-là. Jos le sel, ya montagnos peces erros, rex rius e flumes que da balon a la mar, e, al mitan de tut, entre calu e freg, entre aigate secado, l'home de pertut e d'impertut parié. Voilà, c'était Marty qui nous a donc lu un texte que l'un d'entre vous peut présenter peut-être. Ben là, vous dire un mot sur Marty qui est... qui fait partie de ce que c'est d'Isio, la nouvelle tensu citane qui est dans les années 70, les années 70, quand le mouvement, il y a un mouvement culturel musical qui est fort après 60 veilles en Occitane. Il y a toute une tiers des tsantaires qui se sont boutés à tsanta en Occita, et souvent des tensu un peu engagés, un peu anarchistes. Et Marty est un peu à la. L'ensaire d'aquel mouvement. Ok, et du coup, moi, ce texte, il m'évoque quand même pas mal de choses parce que il dénonce comme l'utilisation du mot patois pour parler de l'occitan. Et c'est vrai que c'est pas du tout une approche que moi j'avais eue avant parce que c'est un mot qu'on utilise. Aussi en réponse, en réaction à ce qui à un caractère un petit peu négatif que ce mot a pu avoir. Quand on dit, bah voilà, moi je prends des cours de patois, il y a une certaine revendication derrière aujourd'hui. Et il me semble que c'est se réapproprier le mot, le lexique d'une autre manière qui peut me paraissait intéressante. Et voilà, Marty, là, il apporte quelque chose de complètement différent, qui est aussi intéressant. Ouais, il y a des représentations qui sont différentes. Le concept est une invention faite par Ptafina pour détruire une langue. Et après, les personnes ne le ressentent pas comme quoi. Mais n'empêche pas que le patois pose un problème de hiérarchie de la langue. me rappelle mon petit quand tu avais 4 ou 5 ans, bramave le français et des patois. Parce qu'il lui faisait rire de dire à quoi. Comment ? Le français quoi ? C'est du patois. Ah. Et empêche pas que c'est important de pouvoir bouta au même niveau toute la langue. Et le problème, quand tu as aussi le mot patois, dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas l'idée des cultures, il n'y a pas l'idée de théâtre, des littératures. Et Zako, qui est important, de pas faire des hiérarchies entre les langues, de toute la sbouta une niveau équitable. Mais je trouve que Marty, il est assez emblématique aussi de ce truc-là. Enfin, c'est, au-delà de la musique, c'est aussi un grand poète. Moi, comme je le perçois, et même dans les analogies qu'il utilise, comme comparer les langues aux instruments de musique, enfin, il y a vraiment un truc de reforger une culture et de regarder cette culture-là qui est multiple, qui est forte, qui est vraiment dense. Ouais, trop beau ce truc des instruments de musique. Moi, c'est vrai, c'est très poétique. Ouais, il y a l'idée dans la posture de reprenner des langues qui sont destitués au monde, enfin le monde sont extripés de leur langue. Il y a l'idée de l'encontre d'une acculturation et qui est une biaille, un moyen de diriger le monde en fait. Oui, parce que la manière de parler la langue, c'est une manière de penser aussi. C'est ça qui. Mais tiens, et le français est quand même une langue qui est instrumentalisée par le pouvoir central en France et qui fait que c'est pas une langue des peuples et d'avoir des langues multiples fait des punes des vies sur le monde multiples et des idées multiples donc c'est la multiplicité qui est cultivée pas l'unitarisme C'est clair que le français, c'est pas censé être une langue avec une grammaire ouverte, avec un vocabulaire ouvert. C'est très maîtrisé par une académie. Pardon, on me fait des signes étranges en régie. Et c'est ça que je trouve très beau dans l'occitan, notamment, c'est qu'on puisse construire ses propres mots et que ça soit tout à fait inclus dans la manière dont la langue fonctionne, enfin, qu'on ait le droit de construire ses mots. Alors, peut-être que à propos de ces mots, on pourrait parler de nouveaux mots, d'expliquer quelques petites choses. Par exemple, c'est la rubrique toponymie. Ah oui, c'est vrai. Toponymie. Donc, ton arrêt sur quoi après, sur le lexique, mais pour le moment, parler de toponymie, donc toponymie sur l'explication des noms de lieux, qui est des faits, la langue a maïs a désapparu d'une bouts de la population, de la personne, des morts, toujours pratiquement sur le nom de Zendrey, qui sont des moments un peu francisés, mais pas tellement. Et le problème, est-ce que y a pas grand monde qui sont capables de décrypter ce que veut dire le panais d'entrée de son village parlant de panais d'entrée de son village, que veut dire fouillouse? Mais tiens, donc la fouillouse est une ville pas très loin d'Ati, et qu'au vient d'une moue Ushita, et qui est commune à l'arpitan de Paratif. Parati, qui est fouliou, qui veut dire feuillu, touffu. Donc la fouillouse est que Nendrey, qui y avait une végétation abondante. Fournie, voilà. Tiens, ouais. Okay. Donc les gens de fouillouse habitent à Fourni, quoi. Dans la touffue. Truc touffu. Dans la touffue. ça en fait rire. Et. Est-ce qu'on a d'autres exemples peut-être de... Alors c'est pas un exemple de village vraiment à proprement parler, mais en tout cas ça évoque des choses qui sont plutôt amusantes. C'est il y a aussi des au fil du temps les noms de lieux de lieux dits évoluent parfois d'une manière dont on s'attend pas trop. Enfin parce que par exemple il y a un petit exemple dans un village de Haute-Loire qui s'appelle, pour tout le monde, c'est le bois du médecin, du docteur, quoi. Et en fait, finalement, si on regarde un petit peu l'origine, ça, c'est pas du tout une histoire de médecin, mais une histoire de médecin, le mézin, la montagne, quoi. Donc on voit qu'il y a des transformations comme ça qui se font parce que c'est essentiellement oral, en fait. Voilà. Et puis souvent, le monde qu'on commence à orthographier le nom d'André, le toponyme, que nous ne savions pas, l'Occita. Et donc, on essaya phonétiquement, vaguement, et, ou à rapprocher à un mot français, ou à rien du tout. Et donc, après, qu'il n'y a pas de lecture possible, en fait, que vint invisible. Alors, moi, tout ça, ça me fait penser à une autre rubrique, c'est... le lexique. Ouh. Est-ce que vous pourriez, parce que j'ai noté, moi je parle pas, je suis la partie qui ne parle pas, Occipitan. Occipitan, merci. Pancar. Pancar. Et j'ai noté deux mots là dans tout ce qu'on a entendu. J'aimerais que vous m'expliquiez s'il vous plaît le mot tsaminou et ptafinar. Yo, Amibé, la définition de la collègue en face de ptafina. Elle trouve qu'elle frambait sa définition. C'est quoi ma définition? C'est quoi ptafina? Qu'est-ce que vous le dire ptafina? Pour moi? Ouais. Bah c'est ptafiné. Bah vais-tu? What do you mean ptafiné? Ptafining. Peut-être qu'on peut trouver un exemple. Tout ptafine. Oui, c'est vrai que le mettre en contexte, ça aide un petit peu plus. Alors, à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut ptafiner de nos jours? Pouh, beaucoup de choses. Zandou ptafine tout. Alors, Zandou ptafine tout dans la chanson. Dans la chanson, oui, ouais, Zanzanet. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ptafiner? Exemple, ce matin, j'ai ptafiné ma biscotte en étalant du beurre dessus. Ah ouais? Bossaine de biscotte. Ok, donc on peut ptafiner une biscotte, on peut ptafiner une porte. Ouais. Si t'es bien énervé, ouais. Ok, je crois que j'ai compris. Deuxième mot, je disais le mot tsaminou. Alors moi, je l'écris T-S-A-M-I-N-O-U, miaou, et je crois que c'est pas le bon orthographe. Ben, il y a du mal à comprendre ce que vous voulez dire quand vous avez écrit Komoko. Comment ça s'écrit alors? C-H-A-M-I-N-O-U-N. Ok, et ça veut dire tsaminou. Qu'à vous dire GR45, en fait. C'est le petit chemin. Oh, c'est mignon. Donc, est-ce le mot qu'elle est à trouver pour dire à quel GR45 qui rend des fabricants, qui rend des farzas en loup marchand. Et en occitan, c'est utiliser un bel au diminutif pour bouter une nuance des dimensions. Donc, le tsami, le chemin, au nord, au sud, est ce. Caminou. Betia. Como en español es caminar. Betia, qu'on semble à le nord espagnol. Ah oui, ce qui est super aussi, moi, je trouve, avec l'occitan, c'est qu'on peut multiplier, comme ça s'appelle le tsaminou net, et on peut rajouter comme ça plein de terminaisons pour qu'il soit de plus en plus petit. Et à pondre des nuances. Mm. Le tsamina, c'est un gros tsami, mais le tsaminasu, c'est un tsamini grand, mais sympathique. Oh. C'est pour... Le tsaminasu. Alors... Je vous propose, avec votre autorisation, mes chers collègues, d'écouter, toujours de notre chère chorale occitane, le titre « Adieu Paore » qui a été interprété lors du carnaval de Saint-Étienne. On y revient juste après. Adieu Paore, adieu Paore. Mais Bon, voilà, qualité super. Enfin, ouais, une très bonne qualité d'enregistrement qui reflète bien l'ambiance du carnaval. Absolument. L'ambiance est tout à fait bien saisie. L'ambiance était qualitative. Oui. Il faut le dire. Oui, oui. Une grande qualité. C'était quoi ce carnaval ? Alors, le premier carnaval, comme quoi ? Le carnaval de l'inutile, c'est ça ? Ça s'est passé quand ? Ah oui, ça s'est passé, je crois que c'était le 24 février dernier, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et du coup, ça a été l'occasion de chanter cette chanson qui, au départ, est une chanson traditionnelle qui se chante notamment au carnaval de Nice et de Marseille, qui est Adi ou pas, Auré Carnaval, et qui a été aussi réécrite en collectif dans un atelier de la chorale occitane, et qui est devenue Adi ou pas, Auré Capitao. Au lieu de Adi ou pas, Auré Carnaval. Donc, bon, il faut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose à changer, hein, vu que c'est déjà une chanson assez subversive. Le carnaval, c'est déjà une fête subversive en elle-même. Et, mais bon, on a clarifié. Et simplement d'orienter la cible, enfin, de préciser. Du coup, ça veut dire qu'on est sur la prochaine rubrique. On est sur les actus langues. Alors, les actus langues. Langue. Sur les actualités, je vais vous présenter, vous avez peut-être entendu parler de la dernière méga gigantesque production américaine nommée Black Panther. Dans ce film, on découvre un royaume imaginaire nommé Wakanda. Pour donner un côté authentique à ce royaume, on n'a pas créé une langue comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais on a utilisé une des langues officielles parlées en Afrique du Sud qui s'appelle le Xhosa. C'est une langue à clics qui compte trois clics différents. Le clic en avant de la langue, le clic latéral et le clic du milieu. C'est aussi une des 400 langues parlées dans la moitié sud de l'Afrique que l'on appelle les langues nigéro-congolaises ou les langues bantoues. Et à ce propos, on pourrait s'écouter Myriam Makeba qui nous parle de son nom Xhosa. Et qui nous chante une petite chanson qui nous parle d'un scarabée et qui est faite pour apprendre aux enfants justement cette langue. Souvent je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue. Par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba, ça c'est pas tellement mon nom. Mon nom c'est Zenzile Kamakeba Kakwashu Gouva Maiketile Nengwa Bantana Balom Zitwa Funuba Kabulisa Batengeli Potili Yopiada. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson Click Song parce que eux, ils ne savent pas dire où on va toi. Voilà, c'était Myriam Makeba. Perdure. Xhosa. Xhosa. Bref. Bref, on pourrait faire un atelier On resserre un jour parce que ça a l'air vraiment chouette, mais c'est difficile. Ouais, pas les jours. Difficile à prononcer. Sur les actualités langues de la région, on peut peut-être revenir sur le week-end dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? La dimanche, ça passe ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dans les Monts du Lyonnais un concert le vendredi 23 mars, un concert de polyphonie occitane. C'était La Mal Coiffée. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être? Donc, déjà en première partie, il y avait deux chorales locales dans le Monts du Lyonnais. Donc, une première sur une quinzaine, qui est sans tout d'une main et d'une langue. Et après, une seconde chorale qui sont quatre, sans taille et sans taille. Et qui sont tout en grande majorité en arpitan. Et après, La Mal Coiffée, donc je ne sais pas s'il y a besoin de présenter, mais là aussi, c'est une des groupes phares de la musique occitane, la tsansu occitane actuelle, qui est un groupe d'Aumène Herbès, au sud de l'espace occitan, et qui depuis, je sais pas, 15 ans, qui est comme quoi, tsante un peu des pertous. Un Occitan, et ce qui est intéressant, c'est qu'après le concert, est-ce possible d'être santé en BL pendant un dour et dour. Tant qu'il y a eu des bières, il y a des tsansous. D'accord, donc vous avez chanté jusqu'à point d'heure. Avec pas compté à l'azur. Ok. Ah, il y a eu un rendez-vous langue raté. Moi, je suis allée au carnaval de la Plaine à propos de carnaval, et je rêvais d'entendre Adi ou pas aurait chanté par une foule, et ce n'est jamais arrivé. Donc, il va falloir que j'y revienne. Si je peux me permettre, ça pourrait arriver au carnaval de Cré. Ok, on ne fait pas une émission sur le carnaval, mais c'est tout bientôt, je crois que c'est le 7 avril, c'est noté. Ok, et du coup, le lendemain de ce concert, le 24 mars, la chorale des Monts du Lyonnais, qui n'a pas vraiment de nom pour l'instant, a proposé un atelier chant et on a pu faire cet échange-là de chants en occitan et pas que, et c'était chouette comme moment. Voilà sur le retour des actualités langues. Je sais pas si vous avez d'autres. Non, ça va. À mon avis, on pourrait passer à la suite avec attention. L'agenda. Agenda. L'agenda. C'est presque hot l'agenda. Donc. L'agenda, si je peux me permettre, je vais commencer en vous présentant le Lab Langue. Le Lab Langue, c'est un atelier de réappropriation de la langue française en non-mixité trans, meuf et gouine. Et ça aura lieu le dimanche 1er avril de 15h à 17h au Bilboquet, 1 rue des Frères Chappe. Donc voilà, vous pouvez venir. Ce qu'on va faire, c'est certainement continuer à créer des mots, puisque c'est la deuxième édition de cet atelier. On a déjà créé des mots tels que « ferminiser », bon, c'est un verbe, mais bon, voilà. On a inventé aussi une « guineversation », on a inventé aussi le mot « envulver ». Voilà. Pour savoir tout ce que ça veut dire, eh ben, il faut venir à l'atelier et puis nous aider à créer peut-être ensemble un nouveau dictionnaire avec des nouveaux mots et puis des affiches et puis d'autres trucs. Voilà, c'est le Lab Langue, 15h-17h au Bilboquet, dimanche 1er avril. Je trouve qu'on les comprend déjà très bien, hein, les mots dont tu parles, c'est super. Mm-hmm. Ils sont bien farza. Mm-hmm. Alors, ben, vous présentez un autre atelier, une atelier des... d'auto-réparation, d'auto-récupération linguistique, l'atelier Gagarpitan de Remue-Ménage, qui se passe dans pas longtemps, dans 36 minutes. Donc, comme je sais ce que c'est là, le mec, entre 16 heures et mail et 8 tours, il y a une semaine des doigts en occitan, une semaine des doigts en arpitan. Et donc, cette semaine, c'est en occitan. Donc, c'est pour venir... tout le monde peut venir faire apprendre l'occitan, faire réviser, faire découvrir, faire partager ça. Et ce qui est super avec cet atelier, c'est qu'en sortant de l'atelier, on peut se rendre à la répétition de la chorale occitane révolutionnaire à Sarroul. Ça, c'est merveilleux. Vous pouvez nous laisser vos agendas, on les remplira. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, la chorale, on fait des petits ateliers... d'écriture pour écrire les chansons, on fait des ateliers de prononciation aussi, parce que vu qu'on aime bien faire compliqué, on chante aussi dans plein d'occitans différents, en catalan, bientôt dans d'autres langues j'espère. Et c'est un peu l'occasion de s'initier aussi à toutes ces langues qu'on ne connaît pas forcément trop. Et aussi, on chante quand même beaucoup. On chante quand, même beaucoup. Vous voulez de dire l'adresse Sarroul. Ouais, donc c'est à Sarroul, c'est au 15 rue Georges Dupré, à Saint-Étienne, en centre-ville. Et la chorale, c'est à 20h. Ça reste quand ça reste, hein, pas toujours des bounours. Et on peut peut-être, pour terminer, s'il y a d'autres actualités... Ah oui. Belle qui parle d'un concert. Ah oui, pardon. Le 100 de Québec, samedi prochain, le 7 d'Abriol, mais Mumbrizou, la ville, comme disait, The Ville. Il y aura un concert de Goulamaska, mais qui est une seconde partie d'un groupe qui s'appelle The Locos. Qui est un concert qui est à l'espace Guy Poirieux à partir des 20h30, 8h et meille, et qui est un pot de sard, qui coûte 18 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Seulement 16 en pré-vente. Mais tiens. Mais tiens, qu'est-ce qu'il nous fait Stena, Soleil Levant. Ok. Alors, on peut aussi, dès maintenant, parce que c'est quand même bientôt tout de suite la fin, là, annoncer la prochaine émission. Oui, la prochaine émission, c'est le 25 avril à 17h. En direct. En direct, toujours. Sur Radio 2, 89.5. Oui, on est toujours sur Radio 2. Radio 2. En direct. Radio 2. Ça y est. Et c'est l'émission Langue Rebelle. Aussi, une petite info, si vous voulez faire tourner justement quelque chose qui a un rapport avec la langue, un événement ou un atelier ou des idées seulement de sujets, ou des jolies phrases ou des jolies. Même s'il y a des questions aussi. Oui. Vous pouvez nous envoyer un mail à langue-rebelle. Alors, il faut les plier par contre. L-E-N-G-A. S. Donc L E N G A S. Attendez, on recommence la dictée. L E N G A S R E B E L A S arrobe riseup.net. Vous allez préciser la race de tiret. La race de tiret. Alors c'est un tiret de type milieu, pas de type bas. De type 6. Ouais, tiret du 6, c'est ça, race 6. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse. Puis on se retrouve le 25 avril. Allez, là-dessus, on s'écoute Seigneur Frances de la Talverge. Adieu. Adieu. Adieu. Les appels pomblés qui s'écrivent avec tout son raison et voudrait sont les mêmes mais les badins et les spiffons d'universal. Les appels pomblés qui s'écrivent des magalas milieu roselés et que c'est pas pas c'est pas ça. Un poble più largo di un bambino, se sei l'uomo del cittadin, a cui mi sa se è fuori, da chi può placchi di gran cor, e gli ulti non sei mort, che non pulito peno de mor. A cui fa passare il mio francese, lo che ti dice è un francese, per te non fatta, alleluia, lo vuoi in base e curarà. Sira lo surien, spero solo un dales, ma che servizi per te che a come te sei mio francese, ma che ti disen tra le ses, e ti ha montata alleluia, un po' di batte punarà. Pano è sì, tu sto che manca di su demura la neutra. que ce complot est désactivo. Repino lei vengo blanchi, la république des assassins. Et loi est si l'oubra, mais pas tout mérite de la solution. Historie est à qui permet-il, le révisionnisme est sans canis. Une fois de mal, c'est rien faillite.